Vous écoutez CKRL 89.1. Actualité. Bonjour, ici Dominique Lelièvre et les actualités à CKRL. D'abord, la nouvelle bibliothèque Gabriel Roy sera accessible au public dès 2021. Le projet de 40 millions de dollars a été présenté ce matin par la Ville de Québec. Après la bibliothèque Monet-Corriveau et la Maison de la littérature, la Ville s'attaque maintenant à la bibliothèque phare du centre-ville. Le maire Régis Labeaume a promis une destination marquante. L'édifice actuel sera rasé pour faire place à un nouveau bâtiment pour lequel aucune esquisse n'est disponible puisqu'un concours d'architecture sera lancé prochainement. Le concept s'articule autour de différentes thématiques et promet de faire vivre des expériences. Écoutons le maire Régis Labeaume, suivi de sa collègue Julie Lemieux. Ça va être Monet-Corriveau, mais plus. Et au cube, là. Mm. Ça va être vraiment intéressant. C'est un nouveau modèle. C'est très avant-gardiste. C'est un genre de bibliothèque qu'on n'aura pas vu au Québec, je pense. Ben, même au monde, parce qu'on s'imprègne des meilleures tendances dans le monde. On a une équipe là, chevronnée qui vraiment fait de grandes analyses pour voir qu'est-ce qui se passe sur la planète Terre en termes de bibliothéconomie. On sait ce qui se passe, mais on veut aller au-delà. On veut arriver avec quelque chose d'unique. La Ville de Québec qui se targue d'avoir un réseau de bibliothèques performant. Tous les indicateurs sont ouverts, qu'il s'agisse des prêts numériques, mais également des prêts papier. On est vraiment un leader. Au Québec, on doit le dire maintenant. On est en 2015 dans les villes québécoises de 100 000 habitants et plus. La bibliothèque qui se classe au premier rang pour la fréquentation, au premier rang pour le total de prêts de livres numériques. On est l'institution culturelle la plus fréquentée à Québec. On est la plus performante, mais on est aussi celle qui coûte le moins cher. Scène municipale toujours, la fameuse faille de Logan sous le fleuve Saint-Laurent n'est pas un obstacle au troisième lien souhaité entre Québec et Lévis. C'est ce qu'a estimé Philippe Couillard qui a en main les conclusions d'une étude géologique commandée l'automne dernier par le ministère des Transports. Pour autant, le premier ministre ne montre aucun empressement à réaliser le projet de troisième lien. Il a réaffirmé que sa priorité pour la région était le service rapide par bus. De son côté, Régis Labeaume a joint sa voix au maire de Lévis, exigeant du gouvernement provincial qu'il rende public toutes les études portant sur un hypothétique troisième lien. Le maire de Québec affirme néanmoins que sa priorité demeure lui aussi le SRB et que sa seule préoccupation est l'efficacité des transports pour les citoyens de sa ville. Enfin, Bernard de Rome affirme que c'est le départ de Pierre-Carl Péladeau il y a quelques semaines qui l'a incité, lui aussi, à quitter le monde politique. M. Drainville a confirmé ce matin qu'il quittait ses fonctions de député de Marie-Victorin et de leader parlementaire du Parti québécois pour devenir animateur de radio sur une station de Québec. Il s'agit d'un retour aux sources pour le politicien qui avait débuté sa carrière comme journaliste à Radio-Canada notamment. À Québec, il fait 22 degrés et c'est partiellement nuageux. De retour à l'émission Midi Jazz.